voici l'histoire époustouflante d'un être insultant. C'est José, c'est José. Personne ne l'aime ni le connaît, il est imparfait. C'est José, c'est José, c'est José, c'est José. Y a que moi qui l'ai connu, il passait dans ma rue. C'est José, c'est José. Il était tellement méchant qu'il marchait sur les pigeons. C'est José, c'est José, c'est José, c'est José. Jamais il ne travaillait, il vivait chez sa mémé. C'est José, c'est José. La douche était trop chère, à quoi bon se laver? Il puait. Ce José, c'est José, c'est José. Il roulait sans permis, crachait sur la vie. C'est José, c'est José. Il ira pas au JDA, il est pas assez bien pour ça. C'est José, c'est José, c'est José, c'est José. Il se plaint, il fume des joints et parfois même du foin. C'est José, c'est José. S'il pourrait faire un bébé, c'est dans le congèle qui finirait. C'est José, c'est José, c'est José, c'est José. Il pue, il boite, il boit et il ne vote pas. C'est José, c'est José. Ok, je vous l'avoue, je l'ai inventé. Ce José, ce José, ce José, ce José. Je n'ai rien contre les José, c'est juste pour s'amuser. Je veux pas vexer, je veux pas vexer. Mais si vous en connaissez des comme ça, alors chantez avec moi. C'est José, c'est José. Vous verrez comme ça détend, chantez sans prétention. C'est José, c'est José. La seule chose qui est interdite, c'est de chanter. C'est Docteur J, c'est Docteur J, c'est Docteur J, c'est Docteur J. C'est Docteur J.